ثم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهلي وصحبه ومن تبعهم بالإحسان اليوم الدين. ما بعد، نزلنا في الدرس الأول toujours dans le premier cours. والآن إن شاء الله سنصوب التمارين التي كانت اليوم. نكوريجيه يصير كده pour aujourd'hui. أولا سأسألكما عن الكلمات. Je vais vous interroger sur le vocabulaire. Al-Kitab, Yurla. Taïb. Andek, Abdelrahman. Ma ma'na ijra'at. En français. Les écrire. T'as oublié le mot ? Non, mais j'ai oublié le mot. Et les affaires qu'on a réglées. Non. J'ai oublié le mot exact. Formalité. Formalité. Tazkira. Tazkira ? Billet, un billet. Non. Mawal Jam ? Tadakir. Tadakir. Tadakir. Non. Jawaz al-Safar. Passeport. Non. أسبوع سمان الجم أسابيع نعم أسابيع حجزة يحجز رزاوي رزاوي والمصدر هو حجز كما سيأتي إن شاء الله تسلم يتسلم recevoir تسلم نعم استخرج يستخرج استخراجا. Quoi le sens d'origine? استخراجا. أيوة. مصدر. recevoir. Enfin non, faire sortir. Non. Faire sortir, extraire. Voilà, voilà le sens voulu c'est faire sortir. أكمل يكمل إكمالا. سخير. أيوة. سأسافر بعد إكمال الإجراءات. سبحان الله. طيب عندك أنت تعرف؟ نعم أكمل كومبليتي. نعم أشبه كومبليتي. نعم. تأشيرة. تأشيرة. تأشيرة. بدون تأشيرة لا تدخل في اليمن. تأشيرة. لو فيزا. لو فيزا. سبحان الله. استلم يستلم استلام. recevoir. نعم. مثل تسلم. طيب. الحمد لله سمع. On va corriger ce qui était à faire pour aujourd'hui. Il y avait le djim et le tamrin athani djim بل الباء والجيم الباء والجيم الجيم فقط الجيم باء والجيم باء فعلنا معا ونفع صمت الجيم طيب جيم أنا حجزت تذكرة لكل الضمائر لكل الضمائر نعم تفضل عندك نحن حجزنا تذكرة نعم اقرا الكل أقول. نعم انت حجزت تذكره انت حجزت تذكره انتما حجزتما تذكره انتم حجزتم تذكره انتن حجزتن تذكره هو حجز التذكره هي حجزت تذكره هما حجزا تذكره عفوا نقطه ان بوين quand tu dis هي حجزت هي تذكرة. هي حجزت التذكرة. نعم. هما حجزتا تذكرة. هما حجزتا تذكرة. هم حجزوا التذكرة. هن حجزتن. هن حجزنا تذكرة. أحسنت. الثالث يقول أسند الأفعال الآتية للضمائر السابقة. Donc là, il faut que tu lis les vers suivants avec les mêmes domaires. On avait dit quoi ? Nahnu anta fakat ? Nahnu anta ra'an. T'as dit, t'as dit, t'as dit. Nahnu sakanna. Anta sakanat. Anta sakanta. Naam. Al-kul, ikra, arafa. عرف نحن عرفنا أنت عرفت أقول ما معنى سكنة ما معنى سأجي أقول سكنة سكنة أبيت نعم كوش دي ما معنى كذا سأجي أقول كي لصوص دلمو وعرف عرف فواجي لا عرف عرف يعرف نعم كنت حجزة ما معنى لا لا صرف قول له نحن حجزنا انت حجزت تناول نحن تناولنا نعم انت تناولت نعم حضر نحن حضرنا حضرنا انت حضرت طيب ثم قلنا رابع كذلك صح نعم كاتريم اكزرسيس ايجالمون طيب كل واحد ياخذ جمله أنت تأخذ الجملة الأولى ثم والثانية وكذا. نعم. هل كتبت الدرس؟ نعم. نعم كتبته. نعم. طيب. هل شربت عصير؟ نعم شربته. ما معنى العصير؟ جو. نعم جو. هل وجدت الصحيفة؟ نعم وجدتها. ما معنى هل وجدت الصحيفة؟ Est-ce que tu as trouvé un journal? Non. Wajada, Yajidou, c'est trouver, et Sahifa, là c'est un journal. Ça peut être un magazine. Ça peut être aussi des feuilles. Il y en a le. Mathalan, le jam de Sahifa, ça peut être Sukhouf. Hein? طيب بعد هل تناولت الطعام الطعام هل تناولت الطعام نعم نعم تناولته نعم كيف ما معنى هذه الجملة هذه الفازلة est-ce que tu as mangé نعم littéralement on dirait est-ce que tu as pris la nourriture mais bon ça se dit pas comme ça on dirait est-ce que tu as mangé نعم طيب بعد هل استخرجت الجواز؟ نعم استخرجته نعم ثم هل اشتريت هل اشتريت فاكهة؟ فاكهة هل اشتريت الفاكهة؟ الفاكهة نعم مد نعم اشتريتها أيوة. كيف ما معنى هذه الجملة؟ est-ce que tu as acheté des fruits؟ نعم. les fruits. est-ce que tu as acheté des fruits؟ نعم. اشترى يشتري c'est acheter. c'est le fruit non. c'est pas le fruit. ouais c'est le fruit en plus non. مفرد. طيب. كان يدون الخامس اليوم؟ في السابع؟ Les faire ensemble, c'est bien. Salis. Salis, non, moi, j'y peux. Adjib, Kama, Finamouda, j'y réponds comme dans l'exemple. Ça y est, je m'en ou là. Rachidun, istakhrajat ta'ashira. Rachidun, lam yastakhrajit ta'ashira. Aya, Tajim. Rachid n'a pas fait sortir ses visas. Du moins la deuxième, la première c'est le contraire. Non. Ah, souhait comme la hada. Ma marna, l'aime, ou na لم أفعل لم أذهب لم أجلس إن نبا إن نبا هذا حرف حرف نعم يسمى حرف جزم كما سيأتيكم إن شاء الله في كتاب آخر سحر سحر جزم qui a une connotation de négation au passé et qui ramène un sens de négation au passé et ce harf il rentre que dans le fi'l mudari tu ne verras pas parce que tu ne verras pas lam dhahabtu abadan ça n'existe pas lam si tu vois lam derrière et bien le fi'l qui est derrière tu sais que ça fait mudari obligatoirement jumla thania Abdullahi kataba rasala risala Abdullahi كتاب رسالة. نعم. عبد الله لم يكتب رسالة. عبد الله. عبد الله. لم يكتب. moi je redis une haraka à la fin du film. je suis sûr c'est ce que j'ai entendu. عبد الله. نعم. لم يكتب. Comment t'as écrit? Dis-moi ce que t'as écrit. En fait, j'ai oublié de le faire. Tu l'as pas fait? Non, j'ai oublié. J'ai pas. Improvise. Abdullahi yaktubu. Lam yaktubu. Aïwa, allez la khata. Ah, lam yaktubu. Aïe, on a dit qu'on lam il rentre sur un verbe d'alir. À la base, c'est une seconde. Il n'y a plus de dhamma. Lam yaktubu. Lam yaktubi. Lam yaktubi risala. Et tu me la casseras quand tu fais la liste? Non, non. عثمان تناول الطعام عثمان لم يتناول الطعام نعم معنى الجملة عثمان a pris enfin mangé a pris son repas عثمان n'a pas pris son repas ou le repas le repas رابع عمر أراد إكمال الإجراءات عمر لم أراد ما هو المضارع من أراد أراد سكون المضارع أريد لا تشوف لك طبعا لم لم أريد يو لم يو أيوة يب لم يو عمر لم يريد إكمال إجراءات طيب أولا عمر veut achever les formalités عمر ne veut pas achever les formalités là avant أولا un instant ما زلنا معك يا داود أراد طيب يريد طيب لم يريد هكذا Non. Non. T'as tout à fait court, t'es d'accord avec lui? Lem yurid, non? Là, c'est pas comme ça. Ça, c'est l'origine. Et là, on est tombé dans quoi? Dans la règle dont on a parlé dans le cours précédent. Quand on est en langue arabe, ma yajouz iltikan sakinein. Tu peux pas faire que deux lettres se rencontrent alors qu'elles sont sakin avec des sukun. Là, le yara, c'est quoi sa harakat? Ah non, c'est des sukun aussi. Ça? Donc là, on a un yara sakin et un del sakin. On peut pas. Donc comment on fait? L'âme, yurid. Le yara, il tombe. On enlève le yara. Tu dis l'âme yurid. Là, tu ne dis pas l'âme yurid. À ce moment-là, le ya, il tombe. Ça, Inch'Allah, vous aurez plus de détails sur le sujet dans les doulous de Sarf.

طيب. Ensuite, حصل يحصل. حصل, ça peut avoir plein de sens. لكن quand tu mets le حرف جر, حصل على, c'est obtenir quelque chose. D'accord, مثلا حصل حصل محمد على تأشيرة. Mohamed a obtenu le visa. Et le masdar de Hassala, c'est Khusoul. Khusoul. Akala. Khusoul. Et quand tu dis Yahsoul, Akala, Akala, c'est il se produit telle chose, il se passe telle chose, tout seul. Mais là, ce qu'ils veulent, eux, c'est obtenir. Yahsilo avec un sod. Ouais. Je connais pas. Je connais Hasoulou. C'est quoi? Hasoulan. El Mazar. Hasoulan. Hasoulan. Non. طيب. ثم يقول وزارة الداخلية. وزارة. Ce qu'ils veulent là, eux par là, c'est ministère. Et Dakhiliya, qui c'est qui peut déduire? C'est facile à trouver. Dakhil. De rentrer, pour rentrer. Ah ouais, mais comment on dirait? On a le même. Ministère de l'Intérieur. Arsant. Ministère de l'Intérieur. Wabilaed, c'est le djem de Baled, qui veut dire pays, ou des fois ça veut dire contrée, une région même. طيب مفهوم الكلمات اللي كوكي طيب أيكم يريد أن يقرأ النص أنت تفضل ثم المرآت سيكون دعوة كذا متبادلا أحيانا أنت وأحيانا أنت سلم محمود تذاكر السفر إلى مملكتي إلى مملكة العربية السعودية. أيوة عفوا. تستطيع ترجمة الجملة؟ محمود a reçu ses billets d'avion, enfin ses billets de voyage, ses billets d'avion, ouais, pour le royaume d'Arabie Saoudite. نعم أحسنت. أما رشيد فلم يتسلم التذاكر. Rachid n'a pas, quant à Rachid, non, n'a pas reçu ses billets. Non, on avait dit Amma, c'est quant à. Qarrara Rachidun Dahaba ila. Qarrara Rachidun Dahaba ila Maktabil Mulhaqi Ta'limiyi Saoudi li istilam al-tadhkira. Non. Rachidun s'est décidé à partir vers le bureau du de l'attaché d'éducation saoudien pour recevoir ses billets. Dahaba Mahmoudun li istikhraj al-ta'shira. Mahmoud est parti pour faire sortir ses visas. Qabala Mahmoudun muwazzafa as-sifarati wa hasala ala ta'shirati ad-dukhul. Là, on va s'arrêter là. D'ailleurs, ils ont mis un nouveau mot là qui n'ont pas cité dans le tableau. C'est muwazzaf. Muwazzaf, c'est l'employé. Vous voyez ? L'employé travaille. En général, un muwazzaf, c'est une personne qui reçoit une personne. Dans une agence, dans un bureau. Vous voyez ? نعم ترجم محمود a rencontré le موظف l'employé de l'ambassade نعم et il a reçu son visa d'entrée نعم il a obtenu son visa d'entrée ثم أما تأشيرة الخروج فقد حصل عليها من وزارة الداخلية. Et quant au visa de sortie, il a reçu. T'arrives maintenant. Il a certes. C'est déjà. Aïwa. Code, c'est à plusieurs sens, mais le sens le plus employé, c'est harf tahqiq, qui veut dire déjà. Code, faire un tout cas, c'est j'ai déjà fait cela. Alors, quant au visa de sortie, il l'a déjà reçu par le ministère de l'Intérieur. Non, merci. Voyez. Fumma yakul awalen ajib an asilatil atiya. Donc, réponds question suivante. Wa hadha sayakunu li ghadin. Ce sera pour la maison, qu'elle a besoin de réfléchir un peu, de relire le texte. إنما سنقرأ أسئلة حتى يعني أكون حتى أكون على يقين أنكم فهمتم. Pour sûr, vous avez bien compris les questions. أولا هل تسلم محمود تذاكر السفر؟ Est-ce que محمود a reçu les billets de voyage؟ ثانيا إلى أين يسافر محمود؟ طيب vers où va voyager محمود؟ ثالثا هل تسلم رشيد تذاكر السفر؟ Est-ce que Rachid a reçu les billets du voyage. Rabi'an, min ayna yatasallamu Rashidu tadhakira safar. D'où Rashid reçoit les billets du voyage. Khamisan, hal qarrara Rashidu adh-dhahab ila maktab al-mulhaq? Est-ce que Rashid a décidé d'aller au bureau de l'attaché? Maktab, c'est bureau. Min ayna hasala Mahmoudun ala ta'shirat ad-dukhul? D'où est-ce que Mahmoud a obtenu le visa d'entrée? سابعا من اين حصل محمود على تاشيره الخروج دو اسك محمود a obtenu le visa de sortie. Ça c'est le premier exercice. ثانيا اكتب النص السابق في كراستك. Écris le texte, c'est-à-dire qu'on va venir dans ton cahier. C'est-à-dire ce texte là tu dois écrire ton cahier. Ça te fait écrire, alhamdoulillah. Et min ahsantuluk al-hifz, la meilleure façon de retenir les choses, c'est de les écrire. Quand tu vas écrire une chose, elle va rester plus souvent dans ta tête. Bismillah. Thalithan, ajib an asilatil atiya. Réponds à la question suivante. Maintenant, tu réponds à ces questions-là de toi-même. Ajib, de toi-même, inshallah. Awalen, masmuka. Elle a ça. Thanien, ma jinsiyatuka. Jinsiya, c'est la nationalité. Et jinsiya, c'est la nationalité. Thalithan, aina tadrous, où étudies-tu? Rabi'an, aina taskun, où habites-tu? Khamisan, kayfa qumta bi istikhraj ta'shirat ad-dukhul? Unzur, kayfa, ça c'est un ism istifham qui veut dire? Comment? Non. Qumta, c'est le mandi de qama yakoumu. À la base, qama yakoumu, ça veut dire se lever. Mais des fois, il peut être employé. Pourquoi? Qama, c'est à cool. Ana, shakhs yakoul, mathalan, man, yakhal gada, qui fait telle chose? Wahid yakoul, ana kumbi, moi je m'en occupe. Ana kumbi, je vais le faire, je prends en charge la chose. Voyez, ta kumbikaza, si tu prends la chose en responsabilité, tu t'en occupes. Ben là, il dit kayfa kumta bi istikhraj ta'shirat ad-dukhul. Donc là, on dirait plutôt comment tu t'es pris, comment as-tu fait pour faire sortir les visas d'entrée. Voyez. Sadisan, kayfa kumta bi istikhraj ta'shirat al-khuruj. Et là, comment tu t'y es pris pour faire sortir les visas de sortie. Elle a assis les mafoum, hein? Non. Même t'as assis les? Taïb. Fali Radin, Taïb, tout djiben, y'anaha. Ça fait beaucoup de choses à écrire. C'est comme ça que ça rentre. Inch'Allah. Fils Souel? Avec Souel? Avec Souel? Khalas? Taïb. فنكتفي بهذا ونقول الحمد لله رب العالمين